haine de mère comme moi. Please ne te compare pas. Si elle soi-disant parité ne la prends pas, elle te rabaissera. Garde-toi tes belles de haut en bas. Face à toi je ne fais pas le poids. Évidemment c'est toi le sexe fort. La question ne se pose même pas. Mais pourquoi tiens-tu à t'émanciper devant tant d'immensité? Ta valeur, ton courage, ton intelligence ne sont plus à démontrer. La plus grande récompense que notre fils puisse avoir, si on y repense, c'est le paradis. Et il est sous tes pieds. Vie avait un prix, madré. Je vendrais la mienne pour t'offrir l'immortalité. Tu es forte, tu es pieuse, t'es remplie de dignité. Si je devais te résumer en un seul mot, je dirais que t'es magnifique. Si quelqu'un dit ouf à sa mère, oh quel maléfique. Je jure, touche ma dernière, si elle ne le pardonne pas, ce sera tragique. Maman, montre-moi ton joli sourire, prends-moi encore dans tes bras. Être ton fils, ça suis plus qu'un ravi. Femme de ma vie, je te rends hommage à la mort, à la vie. Décompose un spectre. Moi je t'aime, je te respecte au plus profond de mon âme. On dit que derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Alors laisse-moi mettre en lumière la plus grande.